Chapitre 3e. En parlant ainsi, la charmante femme tirait de son étui et me tendait le petit éventail associé pour elle à ce joli et noble regret d'une charité refusée. J'ouvris les fragiles branches d'ivoire où se voyaient des pagodes et des oiseaux dans le délicat style chinois du temps de Louis XV. Les fleurs de dentelle s'ouvraient doucement sous le tissu de tulle jaunie. Un fin arôme d'ancien parfum s'en dégageait. Je rendis cette relique à Madame de Maigret Fajac, avec une émotion dont je ne peux pas sourire, même après l'épilogue que le hasard a donné à cette confidence et que je vais lire dans sa brutalité. Je n'étais pas descendu depuis une heure de l'automobile de la comtesse Alice qu'une dépêche bleue m'arrivait, signée d'un nom qui me fit aussitôt reconnaître rétrospectivement la voix dont le timbre m'avait frappé à l'hôtel des Ventes. C'était le concurrent de Madame de Maigret dans sa paradoxale enchère, qui me demandait un rendez-vous pour le lendemain. Je passe les détails pour rapporter simplement le discours qui me fut tenu par ce visiteur, un officier de marine démissionnaire et que j'avais rencontré au cercle. Je vous ai vu partir de l'hôtel des Ventes avec Madame de Maigret Fajac hier. La connaissez-vous assez pour lui dire qu'un pauvre diable d'ancien lieutenant de vaisseau lui demande humblement de lui céder, à moins qu'elle n'ait des raisons pour y tenir, le petit éventail de dentelle qu'il a acheté aujourd'hui à la vente de Manon Lescaut. Un mot vous apprendra tout. Manon s'appelait Madame Journeau de son vrai nom. J'étais son amant alors, le premier, je crois. Je lui avais donné cet éventail. Je voudrais bien le revoir comme souvenir de Manon. Je n'ai pas pu le pousser davantage, mais je suis prêt à en donner le prix que Madame de Maigret l'a payé. Si vous saviez comme elle était jolie. Ai-je besoin de dire que j'ai imaginé un prétexte pour décliner cette mission? Je n'ai jamais fait à Madame de Maigret Fajac le message qu'il aurait montré dans sa protégée du bal de la Villa Carlsberg, une comédienne, que l'on ne pouvait pas empêcher de devenir pire. Qui sait pourtant? En racontant cette histoire d'une relique léguée par sa grand-mère et qu'elle ne voulait pas profaner, peut-être la pauvre Manon Lescaut n'avait menti que dans les faits. Peut-être a-t-elle cru au rôle qu'elle jouait, le temps de le jouer. Ainsi s'expliquerait sa colère du restaurant. Peut-être aussi n'a-t-elle voulu qu'aguicher davantage Jacques de Brève. Quoi qu'il en soit, la comtesse, elle, n'a pas joué de rôle, et à quoi bon lui flétrir l'imagination par le récit d'une vilainie? À quoi bon toucher à la chapelle d'illusion où elle garde l'image de cette fausse Madeleine, laquelle lui a peut-être aussi rendu hommage à sa manière, en l'abusant? Ainsi s'achève « L'éventail de dentelle » par Paul Bourget.